un jour, quand tu viendras, nous t'en ferons voir de grands espaces. Un jour, quand tu viendras, pour toi nous retiendrons le temps qui passe. Nous te ferons la fête sur une île inventée, sortie de notre tête, tout aux couleurs de l'été. Un jour, quand tu viendras, nous t'en ferons voir de grands espaces. Un jour, quand tu viendras, pour toi nous retiendrons le temps qui passe. Dans ce pays de fable, entre deux océans, on fête à chaque table une place qui t'attend. Un jour, quand tu viendras, nous t'en ferons voir de grands espaces. Un jour, quand tu viendras, pour toi nous retiendrons le temps qui passe. Déjà la terre est verte et la brise sent bon. Nos portes sont ouvertes pour ceux qui arriveront. Un jour, quand tu viendras, un jour, nous serons là. Un jour, ne tarde pas. Un jour, quand tu viendras, un jour, quand tu viendras.